Quatrième chapitre. On nous permettra maintenant de quitter un instant les vieilles tourelles du comte Maximilien pour le modeste logis du garde-chasse Jonatas. Châteaux et chaumières ont eu déjà et auront encore, comme on le verra dans la suite de ce récit, plus d'un rapport ensemble. Et l'histoire de la chaumière devra côtoyer, et en plus d'un endroit, expliquer celle du château. La maisonnette du garde-chasse d'Epstein, située à 100 pas de la grille du parc et à l'entrée de la forêt, s'adossait à une petite colline boisée qui la garantissait des vents du nord. Elle était vieille et chétive, cette petite maison, et cependant elle semblait jeune et riante, tant les briques au ton rougeâtre, les volets peints en vert foncé et la vigne qui courait capricieusement sur les murailles avaient pris d'harmonieuses teintes sous l'effort du temps, ce grand peintre. Les quatre gros tilleuls, fraîches antichambres, plantés devant la porte, le banc hospitalier du seuil, le ruisseau, la cour bien rangée, le jardin petit, mais gai, touffu, plein de fruits, de fleurs et d'oiseaux, tout attirait, tout réjouissait le regard. À l'intérieur, même ordre sans affectation, même propreté sans tristesse. En bas, la salle commune et la chambre du père, en haut, celle des enfants, blanche, coquette, bien tenue, égayée par quelques cages chantantes et parfumée par quelques pots de fleurs. Là où vous verrez sur la fenêtre une rose et un pinson, dites que les habitants sont plus sages et meilleurs que leurs voisins. Depuis 1750, Gaspard Müden était garde-chasse du comte Rodolphe d'Epstein. En 1768, à 40 ans, il prit femme. Au bout de 5 ans de l'union la plus calme et la plus heureuse, la ménagère mourut, laissant au pauvre Gaspard 2 petites filles. Wilhelmine et Noémie. Gaspard était un homme aussi ferme que loyal, un homme selon le Seigneur. Il relut dans sa Bible le livre de Ruth et se promit de vivre pour ses 2 orphelines. Il vécut donc et vécut simplement et dignement. Noble exemple de ses enfants qui, sous son enseignement honnête et paternel, grandirent en vertu en même temps qu'en grâce. Wilhelmine et Noémie étaient jolies toutes deux assidues au travail. Seulement, Wilhelmine était plus joyeuse et Noémie plus pensive. Lorsque Wilhelmine, qui était l'aînée, eut 16 ans, ce fut à qui des garçons du pays l'obtiendraient en mariage. Gaspard, entre tous ses prétendants, choisit Jonatas, qu'il aimait à cause de sa hardiesse et de son bonheur à la chasse. La chasse était la passion du vieux Gaspard, qui obtint pour son gendre la survivance de la place. En attendant, Jonatas fut élevé au grade de garde adjoint. Wilhelmine accepta docilement l'époux que lui présentait son père et s'en trouva bien. Jonatas était la meilleure créature du monde, un peu simple peut-être, un peu insouciant, hormis en ce qui touchait les daims et les sangliers, mais au demeurant, mari dévoué et ne voyant que par sa femme. Il vint habiter chez son beau-père. Pour Noémie, l'enfant gâté de Jonatas et de sa sœur aînée, elle était bien moins soumise que Wilhelmine et rejetait tous les partis. C'est que le doux regard de Conrad d'Epstein avait déjà pénétré jusqu'au fond de son âme. Le pâle et mélancolique jeune homme qu'elle avait rencontré parfois dans les bois et qui, à chaque rencontre, s'était détourné d'elle avec tant de trouble, occupait à son insu toutes ses pensées. Un jour, un violent orage amena le sauvage promeneur dans la maison du garde-chasse et dès lors, enhardi par l'accueil cordial du père, fasciné par la beauté de la fille, Conrad revint toutes les semaines, puis tous les jours. Gaspard, dans son bon sens rustique, ne fut point sans remarquer l'émotion de Noémie quand le jeune homme arrivait, sa rêverie quand il n'était plus là. Il eut, certes, congédié sans façon un libertin reconnu comme Maximilien. Mais l'aspect sérieux, le caractère sévère et digne du jeune savant, comme on l'appelait, inspirait au garde-chasse de la confiance et presque du respect. Lorsque Conrad n'était pas là, Gaspard parlait de lui avec colère au grand effroi de Noémie et jurait qu'il ne recevrait plus dans sa chaumière le jeune et noble seigneur d'Epstein dont la place était au château. Conrad arrivait et Gaspard lui tirait gauchement son chapeau et s'éloignait en grommelant. On sait le reste. Quand Gaspard apprit le mariage secret de sa fille, l'homme d'honneur n'eut rien à dire. Le fidèle serviteur trembla seulement à l'idée de la colère de son maître. Il se justifia cependant sans peine devant la noble équité du comte Rodolphe. Mais ce fut le père qui eut à souffrir, car il lui fallut dire adieu à sa chère Noémie, bannie par ce qu'elle avait aimé. Noémie ressemblait tant à sa femme qu'il crut, en la quittant, la perdre une seconde fois. Néanmoins, dans cette nouvelle épreuve, le chrétien courba encore la tête devant les décrets de la Providence. Il embrassa sans pleurer sa fille qu'il ne devait plus revoir et relut dans sa Bible l'histoire d'Agar. Noémie partit et les jours, les mois, les années s'écoulèrent sans qu'on reçût une seule lettre de Noémie. Tout ce qu'on savait, c'est que Noémie était en France. Quand elle pensait à sa sœur, Wilhelmine pleurait. Mais aussi, il faut le dire, elle ne pleurait que lorsqu'elle pensait à sa sœur. Elle était d'ailleurs heureuse et aimait son mari qui l'adorait. Nous avons dit la mort du comte Rodolphe et de sa femme. Maximilien, en renouvelant sa maison, excepta Jonatas et Gaspard de la mesure générale. Au service d'un autre maître, Gaspard pouvait parler de son beau-fils et Jonatas de son beau-frère. En les gardant tous deux, le comte les obligeait tous deux à la discrétion. Lorsqu'Albine vint habiter le château d'Epstein, elle le trouva fort à son gré, la douce et bonne Wilhelmine. La jalousie naissante de Maximilien défendait à sa femme les châteaux des environs, mais ne lui interdisait pas les chaumières, et Albine s'ennuyait moins dans la riante maisonnette du garde forestier que dans la noire et morne forteresse. Elle eut chez Wilhelmine ses fleurs qu'elle arrosait elle-même, ses oiseaux qui la connaissaient. Le peu d'air, de soleil et de liberté qui lui restait, ce fut chez Wilhelmine qu'elle le trouva. Ce fut là seulement qu'elle vit luire encore une fois, par hasard, un des beaux jours de Winkel. Mais lorsque l'arrivée des Français contraignit le comte à partir pour Vienne, il recommanda sévèrement à sa femme de ne plus quitter le château. Les soins du ménage retenaient Wilhelmine chez elle, et la pauvre Albine était plus seule et plus triste que jamais au moment où arrivait au château le capitaine Jacques. Les gens qui souffrent du cœur ont une tendre pitié pour toutes les souffrances. Albine prit un vif intérêt au pauvre blessé. Le blessé, de son côté, montrait une singulière sympathie pour Albine. Un soir, le capitaine Jacques raconta sa vie à Albine. Sans doute il y avait dans ce récit, qui n'est point parvenu jusqu'à nous, des causes d'intérêt profond, car à partir de ce moment, une amitié réelle parut réunir ces deux jeunes cœurs. Dès lors, la pensée d'Albine parut aussi avoir un aliment et sa vie un intérêt. Elle ne regretta plus autant ses promenades dans la forêt, elle pressa moins vivement Wilhelmine de la venir voir au château. La femme du garde-chasse n'aperçut pas même le blessé pendant tout le temps de son séjour à Epstein. Elle entrevit seulement son uniforme le jour où il partit pour aller rejoindre son régiment à Mayence. Quand le capitaine Jacques lui manqua, Albine se rapprocha de nouveau de Wilhelmine et la conjura de s'échapper de sa maisonnette aussi souvent qu'elle le pourrait. Ces deux jeunes femmes, séparées par la naissance et l'éducation, s'entendaient par l'âme. De ce côté, c'étaient deux sœurs. La châtelaine avait repris un peu de gaieté. Le doux espoir auquel elle devait sa joie, elle le confia à Wilhelmine, mais à Wilhelmine seule. La femme de Jonathas aussi allait être mère, un mois à peu près avant la comtesse. Alors, ce furent entre elles des projets, des rêves, des folies. « Nos deux enfants, disait Albine, seront élevés ensemble et auront les mêmes maîtres. Je le veux, entends-tu, Wilhelmine ?»« Oui, madame, répondait Wilhelmine, mais j'ai pensé à une chose. Vous êtes trop délicate pour nourrir votre enfant, vous. Eh bien, je l'allaiterai en même temps que le mien. Moi, je suis une femme de la campagne, forte et bien portante. Et soyez tranquille, les soins ne leur manqueront ni à l'un ni à l'autre. Seulement, je ne saurai plus lequel des deux est mon enfant. » Au milieu de tous ces plans, de toutes ces espérances, le comte Maximilien revint de Vienne. Le lendemain de ce retour, quand Wilhelmine se présenta au château comme d'habitude, on lui signifia que madame ne recevrait plus personne. C'était l'ordre de Monseigneur. Elle insista, on la chassa presque. Elle rentra chez elle tout inquiète et tout éplorée. À partir de ce moment, le comte Maximilien, qui avait rarement chassé jusque-là, alla tous les jours à la chasse, accompagné de Jonathas. Car pour le vieux Gaspard, il ne quittait plus guère la maison, heureux qu'il était de se voir remplacé par son gendre. Dans ses chasses journalières, le comte d'Epstein montrait une cruauté farouche qu'on ne lui avait pas encore vue, qui croissait tous les jours et qui semblait répondre à un besoin de faire souffrir qu'il avait au fond du cœur. Quand le cerf ou le daim était forcé, au lieu de leur épargner par une balle ou par un coup de couteau de chasse une longue et douloureuse agonie, il les laissait dévorer par ses chiens, non sans que les meilleurs de sa meute fussent éventrés. Mais lui, toujours sombre, riait à ce spectacle. Du reste, il demeurait silencieux pendant des journées tout entières. Une fois, Jonathas, cédant aux instances de sa femme, lui avait demandé des nouvelles de la comtesse. Alors Maximilien avait visiblement pâli et d'une voix brève et avec un regard menaçant, « Tais-toi » avait-il dit, « que t'importe ce que fait ou ne fait pas la comtesse, cela ne te regarde pas. » Et à partir de ce moment, le pauvre garde-chasse ne s'était plus hasardé à des questions si mal reçues. Plusieurs semaines s'écoulèrent. On était à la fin de décembre. L'époque de l'accouchement de Wilhelmine était arrivée. Le matin de Noël, le comte avait donné rendez-vous à Jonathas. Celui-ci attendit vainement son maître pendant 2 heures. Maximilien ne parut point. Bientôt, à la place de Maximilien, Jonathas vit arriver un messager qui lui annonçait que Wilhelmine l'appelait à grands cris. Wilhelmine allait devenir mère. Jonathas reprit à grands pas le chemin de la maison. Au moment où il y entra, Wilhelmine mettait au monde une petite fille. La première pensée de Wilhelmine fut pour son mari, la seconde fut pour Albine. « Qu'on avertisse, madame la comtesse !» s'écria Wilhelmine, radieuse dans sa douleur. Mais nul ne répondit à Wilhelmine que par les larmes et le silence. En effet, il s'était passé le matin même une scène terrible au château.